Yeah, ouais. Discours HLM, mon phrase te fait flipper. Tu t'arraches la tête, je résonne comme la sirène des flics. Et j'ai le pied sur l'accélérateur, arrête de criser. Je suis le coup de frein, mec, qui va te faire criser. J'rappe jour et nuit à m'en bousiller la santé. J'déverse des cartouches dans que mes écrits vont finir par se néguer. J'ai l'écriture en bégué, pas grave, j'maîtrise. Même si j'me mets à zigzaguer, j'marche pas dans leur matrice. À qui la faute, c'est plus rien de matrice. Les médias nous désensibilisent, on meurtrait au suicide. Putain de génération de malades, ça parle de gilet de braquage. Je suis jeune et j'raconte ma life. Pas pour le vif au miracle, puisqu'on est toujours catalogué. J'rache ma vérité au mic. T'agresses dans mes manières de dialoguer, tu trouves ça normal? Tempérament débrouillard, je me suis dépégué de la merde. J'ai passé ma jeunesse au bord de la mer, gars. Ne t'avise pas, nous descendre. Ma balle a réduit ton peur en sang. Sans le sud dans mon accent, je sens que mon flow est menaçant. Track Nilo sur les ondes, on va mettre tes oreilles en sang. Ne t'avise pas, nous descendre. Ma balle a réduit ton peur en sang. Sans le sud dans mon accent, je sens que mon flow est menaçant. Track Nilo sur les ondes, on va mettre tes oreilles en sang. Mon son résonne sur les ondes comme une connerie dans la bouche d'une blonde. Laisse-moi le matcher quelques secondes et je te ferai entrer dans mon monde. Du sud au nord, c'est la même. C'est un bon plan, vas-y, ramène. Y'a pas de galère, soirée potière, un verre de sky, on dit amen, man. J'ai pas la gueule d'ange de Bieber, moi, n'a pas de match. Tu veux tchatcher une meuf, endors là autour d'un domac. Chaque jour un pas de plus, YouTube fait mon buzz. Mais le problème, c'est que des salopes se servent de moi pour être heureux. J'fais mes bails et basta, appelle-moi la César. J'suis venu représenter de ma campagne aux favelas. Vu qu'on est catalogué, hein, par tous ces bâtards, qui on vous donne sa dard. Subissez la puissance de mon art. Moi après la vérité je cours. J'suis peut-être naïf mais pas aussi con pour croire à vos discours. Mon ego trip ne sonnera pas ma plaie. T'as le message d'une jeunesse à travers mes couplets. Ne t'avise pas, nous descendre. Ma balle a réduit ton peur en sang. Sans le sud dans mon accent, je sens que mon flow est menaçant. Track Nilo sur les ondes, on va mettre tes oreilles en sang. Ne t'avise pas, nous descendre. Ma balle a réduit ton peur en sang. Sans le sud dans mon accent, je sens que mon flow est menaçant. Track Nilo sur les ondes, on va mettre tes oreilles en sang. Ici je vois toujours les mêmes, que les mêmes jeunes en pas du bloc, les mêmes joints qui tournent entre portes, respect aux darons qui passent devant le hall. Tout petit savoir entrer les sous dans sa charbonne pour éviter l'école. Et les sous partent dans la drogue, dans la coke, partent dans des crosses ou des armes pour te braquer. Des bolides ramènent le produit pour faire manger le quartier. Ça soulève des gros cubes de grosses faut qu'ils snipent de grosses traces et qu'ils sucent pour de grosses liasses. Parce que t'as la classe quand tu roules un RS4. Tes bouteilles pètent et là tu crois que c'est toi le Mac. Ça blanchit la thune par-ci par-là, l'argent ça le claque. Sur ce morceau j'ai mis rap, en joue donc forcément le beat je le braque. Si tu te topes avec mon rap, quand tu passes la donne faut pas que tu craques. J'suis pas un ange man, j'suis démoniaque. Quand on pourra ralentir c'est que mon son provoque un arrêt cardiaque. Ne t'avise pas, nous descendre. Ma balle a réduit ton peur en sang. Sans le sud dans mon accent, je sens que mon flow est menaçant. Track Nilo sur les ondes, on va mettre tes oreilles en sang. Ne t'avise pas, nous descendre. Ma balle a réduit ton peur en sang. Sans le sud dans mon accent, je sens que mon flow est menaçant. Track Nilo sur les ondes.